si peu de mon enfance et de ses jeux, si proche et pourtant étrangère déjà. Était-ce bien le même moi? Et cependant, je ne crains pas le temps qui prend et qui emporte les âmes faibles comme les fortes. Certains ne jurent que par le coup de foudre, le bruit des canons, la fureur de la poudre. Mon rythme à moi est beaucoup plus lent, tu vois comme la dérive des continents. Et cependant, je ne crains pas le temps qui prend et qui emporte les âmes faibles comme les fortes. Déjà que je vous connais, j'ai parfois du mal à le réaliser, mais il me semble que je mentirais en disant que vous n'avez pas changé. Je l'avoue humblement, je crains un peu le temps qui me prend et m'emporte comme vous. Faibles et fortes.